Alors, actuel, nous assistons, sans aucun doute, à l'intensification de la lutte de classe à Oaxaca, au Mexique. Le conflit actuel nous rappelle celui de l'année 2006, dans lequel notre classe a jailli sur les scènes lors d'un grand soulèvement qui fut marqué par un avant et un après. En 2012, dans sa région connue sous le nom du Mexique, une série de réformes ont été approuvées par tous les partis politiques, qui visaient clairement à satisfaire les intérêts de la bourgeoisie locale et internationale, ainsi que les organismes financiers mondiaux dont dépendent l'ensemble de l'économie mondiale. Leur but, de toute évidence, n'est ni plus ni moins que d'amasser plus de richesses au prix de la dépossession et de l'appauvrissement des exploités de toujours. L'une de ces réformes est celle qui concerne la question de l'éducation, qui, au-delà de faux discours, plaide pour l'amélioration de l'éducation et autres bobards, vise en réalité à mettre en œuvre des réductions des salaires pour les travailleurs du secteur de l'enseignement, en plus de mettre en péril la préservation des emplois, puisqu'ils seront soumis à d'absurdes examens d'aptitude. En réponse à cette réforme, divers secteurs de bloc-terre de l'éducation se sont opposés à ce qui soit mené à bien ces réajustements, et ils ont depuis entrepris régulièrement une série de manifestations. La combativité conçue dans la lutte contre ce qu'on nous imposait a soulevé l'enthousiasme, et il y a de plus en plus exploités qui rejoignent les protestations et les manifestations. Celles-ci se sont attendues et propagées au-delà de la zone comprenant le Pacifique Sud. Elles ont aussi eu lieu dans les golfes, les centres et même dans le nord du pays. C'est dans cette généralisation de la lutte qu'on doit mettre en évidence un fait très palpable. Comme un écho, de nombreux prolétaires ont commencé à entrevoir la nécessité d'unifier leurs forces. Pour sa part, le niveau des conflits à Oaxaca a augmenté de manière significative et en cette année 2016, sans le cadre de l'anniversaire du soulèvement qui a lieu il y a 10 ans, Oaxaca entre à nouveau en éruption. Les actions de notre classe ont provoqué un court-circuit dans le monde de la marchandisation et du profit. Les barrages routiers, les piquets en grève, les expropriations et les sabotages des infrastructures commerciales et de l'État font partie de la critique pratique que notre classe subjuguée assume, réaffirmant ainsi la supériorité de l'humanité et de la vie contre la domination de la dictature marchande généralisée. Empêcher la libre circulation des flux commerciaux implique également de suspecter la normalité de la soumission dans laquelle nous impressionne les coutures de la misère citoyenne. Alors que les profits de la bourgeoisie se voient affectés, la passivité et la docilité imposées dans la vie de tous les jours viennent à être écrasées par une communauté de lutte émergente qui se manifeste comme un être collectif combattant un ennemi déterminé. C'est dans ces moments précis que tous les mythes qui ternissent la morale bourgeoise se retourne sans dessus, car les regroupements des exploités fissurent l'individualisme, la délation et les repris sur soi-même. Toutes ces actions d'agitation à Oaxaca l'ont mis en évidence. Malheureusement, en dépit de sa force et de sa combativité, la critique générée par les prolétariats dans la chaleur du conflit a été très limité depuis le début. Il n'est pas arrivé à ceci que l'ampleur du problème ne réside pas dans la réforme de l'éducation, que celle-ci se vise directement à exacerber les conditions de misère généralisées. Cette réforme n'est pas la racine du problème. La perspective de la destruction du capital n'est toujours pas latente, et en lieu et place, ce qui prime, c'est la stagnation des dynamiques localistes, activistes et immédiatistes. Ici, c'est la domination des syndicats en tant que médiateurs du conflit qui prévaut. Et avec eux, la fausse illusion que tout sera résolu par le dialogue avec les bras. Il est clair que les exigences de la Coordination Nationale des Travailleurs de l'Éducation, ont été dépassés et c'est que ceux qui sont en train de participer à ces vagues de protestations violentes ne sont pas seulement des enseignants, mais il s'agit bien du prolétariat en général. C'est la classe désexploitée dans son ensemble qui s'est unie pour se battre contre l'intensification de la misère, contre la dépréciation et l'imposition de la brutalité du capital qui frappe tous les exploités de la même façon. Cependant, tout comme il y a 10 ans, le mouvement a débordé les premières consignes d'enseignants en grève et il y a développé une lutte plus généralisée et menaçante contre tous les pouvoirs économiques et politiques constitués. Comme en cette occasion presque identique d'il y a 10 ans, aujourd'hui, le mouvement est menacé par les mêmes négociateurs et conciliateurs de toujours. Et face à l'augmentation de la rage et l'impulsion de la lutte, on ne passe pas sous le silence aucune possibilité de négocier. Négocier le sang des camarades tombés en échange des miettes. Si aujourd'hui, les travailleurs qui adhèrent à leur syndicat ne parviennent pas à briser les corsets imposés par leur propre structure, nous verrons à nouveau l'alignement des prolétaires qui se sont identifiés à leur lutte, qui l'ont faite leur et qui se rendent compte de la nécessité de lui donner un contenu plus radical. En ce qui concerne l'état des fumiers gauchistes composés de partis électoraux, fronts et syndicats, conformément à leur rôle timore et confusionniste, il n'y a pas hésité à adopter son verbiage contre tout ce qui, à l'intérieur du mouvement, implique les débordements et la rupture de l'encadrement. Les droits citoyennistes sur les coups-bords de son conspirationnisme infâme et médiocre a de nouveau condamné l'émergence d'actions perturbatrices entreprises par les prolétariats. De ces façons, ils ont fait que tout le nécessaire pour que les consignes et les raisons de la lutte n'aillent pas à la racine du problème. Et aussi, avec toutes leurs capacités de cooptation, ils ont limité la protestation à des marches pacifiques, organisées afin de satisfaire l'ego opportuniste des petits candidats aspirant à la relevée du pouvoir. L'ensemble de gauchisme et de citoyennisme, bien que faisant semblant d'être opposé à leur dominant, ne sont rien d'autre que leurs défenseurs fidèles, puisque leurs programmes, qui sont pour moi progressistes et réformistes, laissent intacts, vénères et sacrilèges tous les conglomérats des institutions et des structures qui soutiennent la société de classe. Les lois, la constitution, les progrès, la patrie, les prisons, la propriété, les droits, les libertés. Bref, tout l'abouris qui donne coffre à la civilisation capitaliste. Et si cela ne suffisant pas, il faut ajouter à cela le cynisme brutal des journalistes charognards qui, à travers les médias bourgeois, sont prompts à reprendre la voix de leur maître et applaudissant l'arrivée des troupes dans les zones de conflit. Un jour, les politiciens, lors des conférences de presse, remettent sur le tapis leur haine de classe et leur mépris racial envers les prolétaires qui ne se soumettent pas. Il n'est donc pas surprenant que la bourgeoisie, dans sa quête pour maintenir la normalité nécrotique du capital, exprime sa grande crainte que le conflit ne se développe et s'étende, en préconisant avec impatience l'intervention des corps répressifs pour démontrer qu'ils ne sont pas prêts à continuer à perdre 10 millions de pesos à cause des blocages menés à bien par les rebelles et les incontrôlés. Quiconque qui assume la lutte contre la société bourgeoise sait d'avance qu'il y a contre lui l'ensemble de l'organisation de la violence institutionnalisée et tout le terrorisme capitaliste étatique. Par conséquent, des barrières actions des puissants ne sont pas surprenantes, car la fonction réelle des agents de l'État, de la presse, des fonctionnaires, des soldats et de la police est déjà trop bien connue. Et si malgré tout cela, les doutes demeurent encore dans l'esprit des plus crédules, il y aura lieu de lancer la question. Avons-nous déjà vu un gendarme défendre les affaires et casser la gueule au chef d'entreprise? Non, jamais. La question même met déjà à nous la réalité, parce que la police est le bras armé des exploiteurs. Dès lors, il n'y a aucune raison d'être surpris de ce que l'État décharge sa fureur quand les opprime ses soulèvements et frappe les intérêts des capitalistes. Il est tout aussi absurde et neuf de prier les représentants de l'État de punir ces mercenaires qui répriment, torturent et assassinent. Après l'effusion de sang, une grande partie du corps enseignant insiste encore pour continuer à négocier avec l'État. Mais cette approche est sans avenir. Qu'il n'y a aucun doute, la colère exprimée dans les rues ne peut pas se contenir d'aspirer et de mourir quelques réformes, ou à chasser du pouvoir un parti ou une personnalité. Ces désirs ne correspondent pas à nos besoins en tant que classe de lutte. Au contraire, ils ne font que nous détourner et nous distraire de la seule lutte historique que, tôt ou tard, nous devrons assumer. La destruction complète du capitalisme et de tous ses fondements matériels et idéologiques, ainsi que toute la machinerie de l'État et de ses institutions. La lutte prolétarienne doit viser toutes les limites proposées par la bourgeoisie. Il n'y a pas de place pour le respect de ces lois et de ces normes. Croire que la situation actuelle peut être améliorée par les organes parlementaires et la législation, c'est fonger notre propre défaite. C'est renfoncer les enclos de l'abattoir vers lesquels on nous conduit encore et encore. Par conséquent, nous ne devons pas permettre à aucune structure sociale démocratique, citoyenniste, pseudo-prolétarienne de s'approprier les combats en cours de développement, ce qui signifie leur laisser la voie libre pour ensuite s'asseoir à la table des négociations et de discuter avec les exploitants les anéantissements du mouvement. Leurs modes ne peuvent pas être négociés. Par contre, il devient latent pour les exploiter de générer leur propre réponse des perspectives qui envisagent autre chose que les affistolages de ces réalités misérables. Mais surtout, d'être les agents directs des combats et d'assumer la pratique antagoniste et révolutionnaire. La tranquillité bourgeoise a été brisée. À Oaxaca et dans une grande partie du Mexique, ainsi qu'au Moyen-Orient, en France, Grèce, Chile, Venezuela et dans d'autres parties du globe, nous voyons la fumée de la révolte. On sent que le sol fermé du capitalisme est en train de s'écouler. Et si donc, préparons-nous pour les batailles révolutionnaires qui mettront fin à ce monde de misère. Afin de rétablir la vie et de s'ouvrir pleinement à la communauté humaine, au communisme, et l'anarchie.